Parmi tous ceux qu'on a connus dans l'histoire de France et d'ailleurs, il en est un qu'a tout perdu, mais qu'a vraiment l'air d'un vainqueur. Un de ceux qui rêvaient de voir tous les flics et tous les gradés en chômeur ou bien en clochard, pour que l'on vive en liberté. Bonneau, la fortune pour toi ne comptait pas, mais les bourgeois en avaient trop, et c'est pour ça. Bonneau, que tu leur prenais des lingots pour les partager avec ceux qui étaient fauchés. Parmi tous ceux qu'on a traqués, l'un d'entre eux n'était pas manchot. Pour essayer de le coincer, il fallait vraiment se lever tôt. On le cherchait dans tout Paris, alors qu'il était en vacances avec Judith dans le midi et son frangin Raymond la science. Bonneau, ils t'ont eu mon vieux, ils étaient mille contre deux, toi et ton chien, rien que vous deux. Bonneau, y a longtemps déjà qu'ils t'ont flingué, oui mais crois-moi, y en a qui ont toujours peur de toi. Parmi tous ceux qu'on a connus dans l'histoire de France et d'ailleurs, il en est un qu'a tout perdu, mais qu'a vraiment l'air d'un vainqueur.